parle d'une année remplie de bullshit avec tous ces morts. Calabru, Delpech, Castro et Jean-Pierre Coff, Fritz Gottlieb et Victor Zoubkov. Qui? Et avec tous les vivants qui restent, on sera pas à l'aise. Quelle année pourrie, quelle année merdique, c'était 2016. La poire à lavement, le sandwich au caca, je croyais que c'était une blague. Mais Hillary et Trump ont rempli ces rôles-là, notre tour, crois-moi, ne tardera pas. Et quand j'y pense, comment on était en 93. Une année pourrie, une année merdique, mieux qu'en 2016. Toujours pas de boulot, sinon des chiens qui te ruinent la santé. Tu vois ce que je veux de... pour des clopinets. Alors que je fume même pas, je peux même pas marcher. L'année s'achève, enfin vu ce qu'il en reste, je crois que c'est pas gagné. Je vois bien une tuile arriver dans la ruelle. Je parle bien des présidentielles, car l'année fiscale ne se finit qu'en mai. Alors je questionnerai, ce sera-t-il pourri, ce sera-t-il merdique en 2017.